Salam, ce que je vais faire là tout de suite, c'est donc passer l'extrait d'une petite vidéo qui dure une minute, un tout petit peu plus, peut-être, voire plus. Et juste après, ben je vais commenter. Commenter la vidéo. Voilà. Pourquoi la rue Brabant? Je comprends pas. Parce que déjà on cible ici, on dit la rue de Brabant, c'est un ghetto, c'est devenu un ghetto, les gens, les étrangers, tout, écoute-moi. C'est leur démocratie, c'est pas la tienne. On est chez eux, je trouve que si on n'est pas d'accord. Ils sont chez eux, moi je joue pas leur jeu démocratique. Alors je dis à on dit, écoute, à ce moment-là on dit on joue le jeu, ou bien on va on rentre chez nous. Après, faudra pas pleurer oui, qu'on insulte pas. Allah et son messager. Ça sera ta faute parce que tu as joué le jeu. On jouit maintenant de la liberté d'expression. Pas de la liberté d'expression. Mais ça, non, mais en tu sais pas, ça que je suis considéré comme le 10e plus grand terroriste aux yeux des mécréants parce que je suis contre la démocratie. Mais non, ils ne t'empêchent pas de rester ici non plus, quoi. Hein. Voilà. Ils t'empêchent pas de rester ici non plus. Ils te disent, écoute, tu es dans un territoire, il n'y a pas de problème. Mais moi, mes conditions sont ça. Eh ben, tu as accepté. Je ne les accepte pas. Pourquoi alors tu dois pas rester ici alors? Je ne les accepte pas, tu sais pourquoi? Tu prends un chômage? Mon frère, ça n'a rien, rien à voir. Est-ce que tu as un chômage oui ou non? Tu changes de sujet. Mais... Tu réponds oui ou non? Eh ben oui, voilà. L'État oui. Belge te nourrit. Ouais. Non, c'est Allah qui me nourrit. Ah. C'est pas l'État belge. La réponse, c'est Allah qui donne à manger. C'est le chômage qui te paye. Voilà. Donc, ce passage, soit certaines personnes viennent le découvrir, soit d'autres personnes la revisionnent. Avant de commencer en préambule, je vais dire une chose. Ça va paraître très prétentieux, mais bon, au bout d'un moment, c'est un peu la loi du talion, l'effet miroir, quoi. C'est qu'en fait, en voyant cette vidéo, j'ai un peu, parce que là, elle a commencé à faire un peu de buzz, comme on dit, donc c'est pour ça que je me suis dit, je suis obligé un peu de défendre l'honneur du frère qui parle dans la vidéo, parce que voilà, ça a pris de l'ampleur, sinon je ferais pas cet audio, tout simplement. Donc, ça peut paraître prétentieux, mais quand j'ai vu, en fait, les réactions des gens, qui étaient, on va dire, à 90%, à 90%, voire plus, négatifs, envers le frère qu'on considère comme étant radical dans la vidéo, ça ne m'a pas étonné. Pas étonné du tout. Je sais, Allah, qu'Allah me pardonne, ça va paraître très prétentieux, mais ça ne m'a pas étonné parce que je suis convaincu. Et encore, et Allah sait, et Allah est au courant que je suis convaincu que plus le temps passe et plus j'ai l'intime conviction que la plupart des êtres humains, tout simplement, ne sont pas très futés. Je suis désolé de dire ça comme ça, hein. Je dois dire ce que je pense, hein. Voilà, parce qu'il y a une certaine citation qu'on a faussement attribuée à un auteur algérien alors qu'il fait partie d'un militant palestinien. Mais bon, on va pas se chamailler pour une citation qui dit « Tu parles, tu meurs, tu te tais, tu meurs, alors parle et meurs. » Moi, je parle et de toute façon, je vais mourir et je dois dire ce qu'il y a dans mon cœur. Je dois dire les choses clairement. Ça ne m'a pas étonné. Parce que l'être humain, en général, j'ai pas envie d'être méchant, mais il est inculte. Et je parle même pas de culture dans le sens, dans le sens érudition. Si vous voulez, hein, information à titre quantitatif. Je parle aussi d'intelligence dans le sens bon sens. Même le bon sens, la plupart n'ont pas. Et ça m'a pas étonné, sincèrement. Pourquoi? Parce que voilà, la plupart des êtres humains sont attirés, si vous voulez, par le sophisme, par les arguments fallacieux. Ils sont attirés par ça. Et ça m'a fait penser à deux choses. L'une dans l'ordre islamique, historico-théologique, et l'autre un peu dans un truc un peu plus léger. Je me rappelle à l'époque, c'était je pense il y a 2 ans, il y a une vidéo qui tournait dans laquelle on disait Zemmour s'est fait démonter, et il y avait je pense un réalisateur de film français qui genre pour répondre à Zemmour a relaté le conte d'un cochon ou je sais plus quoi, d'un chat, etc. Une sorte de conte pour enfants. Et à la fin, il résume en disant « Je ne réponds pas au cochon » ou je sais plus quoi, tu vois. Et pour indirectement dire que Zemmour, en fait, est un cochon et il n'a pas envie de lui répondre. Et là, les gens, ils ont commencé... Cette vidéo, elle a fait un buzz et les gens, ils ont commencé à la partager en disant « Purée, le mec, il a bombardé Zemmour. Il a tué, quoi. Il lui a donné des arguments en pleine tête. » Mais c'est vraiment pas ça. Tout simplement. En fait, ce mec-là, ce réalisateur, il n'est pas rentré dans le champ de l'argument. Il n'est pas rentré dans le champ des idées, la confrontation des idées de l'idéologie. Il a tout simplement fait une petite boutade périphérique. Genre, ouais, je parle pas au cochon. Alors, pour un peu embellir la chose, il passe par une optique de conteur, hein. Et à la fin, voilà, je parle pas au cochon, je me tais. Mais ça, c'est un truc typique, quand même. C'est pas l'argument. C'est pour ça que quand j'ai vu cette avalanche de personnes qui disaient « Ouais, Zemmour s'est fait démonter », bon, je me disais « Pourquoi pas ?» De toute façon, Zemmour, il est facilement démontable, c'est tout. C'est juste quelqu'un... L'orchestration médiatique fait en sorte qu'il est toujours face à des incultes ou... voilà, tout simplement, il a une étiquette de fausse subversion. Quand même, ça m'intéressait, donc je me suis dit, bon, je vais cliquer. Mais en fait, j'ai vu, voilà, cet individu, là, ce réalisateur français, qui a cité ce compte. Et les gens pensaient vraiment qu'il avait cassé Zemmour, mais il ne l'a pas cassé du tout. Il n'y a pas de cassage là-dedans, il n'y a pas d'argument. C'est bête, en fait. C'est comme si tu rentres dans un champ de l'argumentaire, avec moi, dans un socle idéologique, et moi, je vais à côté en disant, ouais, je parle pas au cochon, mais c'est on est où là? Ben là c'est pareil. Avec cet extrait vidéo, c'est pareil. C'est pour ça que ça m'étonne pas. J'ai pas envie d'être méchant, mais c'est la réalité. On va pas m'en vouloir d'être misanthrope. On n'est pas misanthrope, on le devient. C'est tout. C'est la plupart des êtres humains sont incultes. Wallahi, et Allah m'est témoin, la plupart des êtres humains, en tout cas dans le carcan belge, français et au bled, la plupart sont incultes. C'est tout, sauf ceux qui se cachent ou qui ne parlent pas ou voilà. Mais la plupart, alhamdoulilah, il y a une exception. L'Algérie a offert de grands penseurs comme Malik Benhabi, le Maroc a de grands hommes comme Haddouchi, etc. Je veux dire, d'accord, alhamdoulilah, il y a des exceptions, mais en Belgique, en France, etc., la plupart sont tous lobotomisés, il faut dire ce qu'il y a. J'ai pas envie d'être méchant, mais c'est la réalité, ça m'a pas étonné. Et donc c'est exactement la même chose avec ce qui s'est passé dans cette vidéo, avec le frère qu'on surnomme le radical et l'autre. Il ne l'a pas cassé du tout. Pourquoi? Parce que le frère en question... Il lui parle d'une chose qui a trait à la démocratie. Hein? À la démocratie. C'est-à-dire que ce frère, comme, excusez-moi, mais comme la plupart de centaines et centaines de savants qui ont donné 40 ans, 50 ans, 60 ans, voire 70 ans de leur vie à étudier, a donné le même avis qu'eux. À savoir que la démocratie est impie. Islamiquement parlant, elle est illicite. Ils ont le droit de le penser. Donc c'est pas ce frère en question qui est venu, qui s'est réveillé un beau jour en disant « je suis contre la démocratie ». Non, ce sont des savants qui ont codifié, qui ont pris en compte des versets du Coran et des Hadith, qui l'ont codifié, qui l'ont transporté à l'ère contemporaine et qui ont déduit que la démocratie rentrait dans l'ordre du shirk, al-hakimiyya, l'association, dans l'ordre du jugement. Voilà, la plupart des geeks, les pseudo-dissidents là, qui viennent d'apparaître il y a 10 ans, on les entendait pas parler. Vous aimez bien Imran Hussein, mashallah Imran Hussein, vous ne jurez que par lui certains. Ben, Imran Hussein est de cet avis-là, il va même plus loin. Lui il est clair, il dit celui qui vote, c'est un mouchrik, il est sorti de l'islam. Il va même à dire que celui qui a la carte d'identité est un mouchrik. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Imran Hussein, c'est non, on va pas se désavouer de lui, parce qu'il est connu. Alors que le frère en question, oh, c'est un pauvre type de Bruxelles. Donc vous jugez en fonction de la notoriété. Hein? Ou bien la fonction de la couleur de la cravate. Elle est où la justice là-dedans? Donc déjà, premièrement, le frère parlait d'une idéologie, la démocratie. Pourquoi il lui pose une question par rapport à son revenu, le chômage? Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est comme si tu me parlais, je sais pas moi, tu me parlais... De la boxe anglaise et de son historique, Jack Johnson, qui a été un peu la symbiose entre la boxe et le militantisme, qui a un peu influencé Mohamed Ali, etc. Jack Dempsey, qui était un peu le bœuf, Rocky Marciano, aucune défaite. Tu parles un peu de tout ça, puis le mec, il vient, il te dit, hey, les mecs, tu portes quoi comme chaussette? Je veux dire, il loue le rapport. Tu parles de la boxe anglaise, du noble art, enfin, qui était le noble art, parce que maintenant c'est devenu bling-bling, et voilà, et son côté historique, et toi tu viens, tu parles de chaussettes, mais on s'en fiche, ou bien de son slip, est-ce que c'est du Leopoldo, ou bien c'est du Gucci, ou Armani, ou je sais pas quelle marque que les lobotomisés aiment, enfin soit, et donc, déjà il lui parle d'un socle idéologique, il rentre dans l'argumentaire, on parle de la démocratie, et islamiquement, il y a des savants qui disent clairement, et plusieurs tendances, hein, c'est pas seulement les salafis chéristes ou les salafis djihadistes ou ainsi de suite. Non, Imran Hussein, c'est un soufi, néo-bandi, si je me trompe pas. Je veux dire, voilà, son prof, Ansari, il a écrit là-dessus, en disant que la démocratie en elle-même, Demos Kratos, c'est tout simplement une forme d'association dans l'ordre du jugement par rapport à Allah. Pourquoi? Parce qu'on donne la souveraineté au peuple. Et c'est même pas une question islamique, c'est ça le pire. C'est qu'il y a des gens qui ne sont pas musulmans et qui ne sont pas démocratiques. Il y a des monarchistes. Vous savez, par exemple, Guénon, avec la loi du nombre, ou d'autres auteurs, par exemple, ils disent quoi? Ils disent que, plus simplement, la démocratie est un leurre. Parce que même si elle fonctionnerait, parce qu'ils partent du principe que c'est une utopie. Les oligarques ne prennent pas en compte les votes. Moi aussi, je suis de cet avis, mais bon, comme il y a des idiots un peu partout, voilà, faut bien servir la soupe. Et donc, René Guénon, par exemple, René Guénon, je pense pas que quelqu'un va dire René Guénon était un idiot. Hein, voilà, quelque part, il avait une certaine intelligence, une certaine culture. Il était persuadé que la démocratie, c'était une utopie, dans le sens où même s'il était d'avis que les avis n'étaient pas pris en compte, il disait quand même que le fait de donner le droit de vote à tout le monde, alors que le peuple est considéré, et le peuple est rempli, il y a quand même des ivrognes, il y a des incultes, il y a des prostituées complètement dépassées, il y a des nunuches, il y a des idiots, il y a des hystériques, et ainsi de suite. Donc comment mettre les affaires de l'État, comment donner les affaires de l'État au peuple? Donc déjà, c'est même pas juste islamique. David-Henri Thoreau, par exemple, quand il a fait son putsch, un peu son coup d'État à sa manière, hein, d'ailleurs ça rejoint un peu, enfin bref, on dira ça plus tard, il était conscient en fait que les députés qui étaient autour de lui étaient tous des fachos, dans le vrai sens du terme, hein, parce que fasciste, on a tendance à le dire pour tout et pour rien. C'est des gens qui étaient pour la traite négrière et qui banalisaient ça. Oui, je veux dire, c'est pas juste islamique, hein. Vous avez des catholiques monarchistes qui sont contre la République et le système démocratique, qui veulent un roi et une sorte de savantcratie. Et ça rejoint un peu l'islam avec Ashura. Vous voyez? Donc, le mec, au lieu de discuter avec lui sur ça, sur la démocratie, parce que la démocratie est dans le champ politique, tu peux avoir une vie sociale, tu vois? Donc, c'est-à-dire être contre le système démocratique avec son multipartisme, son illusion, etc. Ne tacle pas le fait d'avoir une vie sociale. Donc là, on parle d'un sujet précis. Dans cette vidéo-là, le frère parlait d'un sujet précis. Argumente avec lui sur ça. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir s'il est au chômage ou pas? Ça se trouve, le mec, demain, il est mort. Mais on s'en fiche. Je vais même aller plus loin et je m'en fous de choquer. Même si le frère radical en question la vidéo est un nécrophile. C'est un mec qui déterre des morts, excuse-moi du terme, qui les sodomise. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'il est? Et qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'il rapporte comme argent? Et de ce qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'il gratte? Pourquoi les gens sont bêtes à ce point-là? Pourquoi les gens doivent directement associer la personne et l'argumentaire? On s'en fout de la personne. Iblis lui-même, Satan, vous les musulmans, les croyants, qui est plus dangereux que Satan? Qui est au-dessus de lui? Hein? Qui ça? Comme dirait l'autre, parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup qui l'aiment aussi. Hein? Dieu donné, là, c'est le soleil. Mais qui? Personne. Eh bien, Iblis a enseigné Ayat al-Kursi, verset du trône, à un salaf, à un aïeux. Est-ce qu'il a commencé à paranoïer? Non, il a pris. Donc la vérité, elle peut venir n'importe qui. La personne, on s'en fiche. Et c'est comme si quelqu'un vient et t'explique, je sais pas moi, te dit, ouais, la moralisation du capitalisme, je suis pas trop pour. Et toi, le mec, tu lui dis, ouais, me parle pas, je t'ai vu hier avec une fille. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais on s'en fout, je veux dire, on s'en fiche de la personne. Il vient avec un sujet précis, la démocratie en elle-même. Islamiquement parlant, il est convaincu, comme des centaines et des centaines de savants, dont la plupart qui écoutent cet audio n'arrivent pas à la cheville, hein, qui ont fait des dizaines d'années de cours en prouvant que la démocratie était du couvre, dans le sens où elle l'associe à Allah directement ou indirectement, de par son lazim ou ben de par sa fondation ou de par son cheminement, une association dans l'ordre du jugement par rapport à Allah Azawajal, l'exalté soit-il. Des savants, je veux dire, des gens qui étudient depuis dizaines d'années, pendant que certains étaient dans les chichabars ou je sais pas quoi, et il reprend tout simplement leurs termes. C'est tout. Et le mec, en plus, il est belge, vraiment belge de souche. Il est là, il est né ici, c'est le pur belge, le soi-disant converti radical. Alors que l'autre, voilà, c'est pas un audio personnel ou quoi que ce soit, mais l'autre, il avait plus un faciès turc. Et je pense que quelque part, c'est un peu le monde à l'envers. Il est belge, et s'il veut pas être pour la démocratie, il a le droit. Ses ancêtres, ils sont nés ici, ils ont combattu à l'époque, qu'est-ce qu'il me raconte? Il est belge, il veut pas travailler parce qu'il est de certaines opinions qui ont été labellisées et cachetisées par des savants qui te disent que quand tu travailles, hein, quand tu travailles, tu aides un système qui fait partie quand même de l'oligarchie, qui fait partie du G20, qui fait partie de l'OTAN, qui fait partie de l'ONU, via tes impôts, tu les finances, hein, pour que l'aile militaire aille tuer tes frères en Afghanistan, hein, parce que là, la notion de Ouma, on aime bien en parler quand ça arrange, hein, à géométrie variable. Donc le mec, il a le droit, s'il est de cet avis-là, il est où le problème? Donc pourquoi déplacer ça? Il te parle d'un socle idéologique, toi tu lui parles du fait qu'il gratte le chômage, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais c'est pas possible. Wallah, par Allah, tout puissant, j'arrive à un moment, je peux plus, supporter l'être humain. C'est quoi ce crétinisme ambiant? Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il est chômeur, fan de Francis Lalanne, skateboarder, j'en sais rien, on s'en fiche. Il te parle d'un sujet qui touche à ta religion et dont nombreux savants en ont parlé. Je veux dire, faut activer les neurones au bout d'un moment. Qu'est-ce qui se passe? C'est vos 10 heures de travail par jour qui vous rendent stupide à ce point-là. À la limite, les esclaves d'antan, ils étaient persuadés, ils savaient qu'ils étaient esclaves. Mais ceux de maintenant, non seulement ils sont esclaves, mais ils aiment cet esclavagisme moderne. Et en plus, ils critiquent ceux qui essaient de se libérer par des moyens de débrouillardise. Que ce soit le chômage, que ce soit ne rien gratter du tout, que ce soit le tijara, etc. Mais ils ne veulent pas faire partie de ce système-là, au moins. C'est le minimum. Et par rapport à un petit clin d'œil historico-islamique, quand Ibn Abbas est parti débattre avec les milliers de Khawarij, donc je prends le contexte, il y a eu la fitna, donc il y a eu la guerre à l'époque de Ali et Muawiya, et Ibn Abbas, il a été chargé, Ibn Abbas qui était le cousin du prophète, Ali sallallahu alayhi wa sallam, et qui a reçu une invocation de ce même prophète, le sceau des prophètes, pour que Ibn Abbas a la meilleure compréhension du Coran. Et lui a été envoyé pour débattre avec des milliers de Khawarij, pour essayer de les calmer. Les Khawarij, du fait qui vient du mot arabe al-khuruj, le fait de sortir, sont sortis contre Ali parce qu'ils avaient une vision extrémiste, voyez. Et quand Ibn Abbas, mais vraiment extrémiste, le vrai radicalisme à l'état pur, hein, pas le radical comme certains l'ont qualifié dans la vidéo que j'ai mis tout à l'heure, hein. C'est un peu comme fasciste, hein. Fasciste, on le dit pour tout et pour rien. Radical, c'est pareil, hein. Tu ramènes Qarrara Soul, t'es radical de toute façon. Pour les laxistes, les musulmans bling bling. Enfin, soit, quand Ibn Abbas était face au milieu de Khawarij, à un moment donné, il y a un Khariji, donc un sectaire qui est sorti du groupe en disant ne débattez pas avec lui. Genre, ne débattez pas avec Ibn Abbas. Et quand les Khawarij lui ont dit pourquoi, il lui a dit parce qu'il fait partie des Quraysh. Et les Quraishites sont réputés pour être menteurs. Et qu'est-ce qu'il a récité comme verset, Ibn Abbas, à ce moment-là? Le verset qui est dans Surat Az-Zukhruf, qui dit en vérité, ce sont des gens chicaniers, qui cherchent la chicanerie. Pourquoi? Parce que au lieu de débattre directement sur le fond, sur le carcan idéologique, il est parti dans un truc périphérique, dans l'intime, et encore c'était un mensonge. Genre, c'est comme si tu débats avec quelqu'un, mais le type il refuse parce que hier je t'ai vu fumer, ou hier je t'ai vu avec une blondasse. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Eh ben, c'est exactement le même procédé. C'est l'arroseur arrosé. Dans la vidéo, on fait passer l'autre pour un bon musulman, mais en même temps, il a une méthode de Khariji. Et le Khariji, ce sont les plus extrémistes en islam. C'est quoi cette façon de faire? Qu'est-ce qu'on s'en fiche de la personne? Qu'est-ce qu'on s'en fiche de son intimité? Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce qui gratte ou de ce qui gratte pas? Qu'il écoute même du hard rock en slip chez lui? On s'en fiche, c'est entre lui et Allah. Lui, il te ramène Qarra Allah, Qarra Rasul et des paroles de savants. Bismillah. Argumente avec lui sur ça. On s'en fiche du reste. Et ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais ça m'étonne pas, tu vois. Ça m'étonne pas. Et en même temps, maintenant, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, qui a inventé les allocs? Parce que maintenant, on peut donner tous les noms qu'on veut. Hein. On peut donner Vipo, Mutuel, CPAS. Qui a inventé les allocations? Bismillah. Qui les a inventés? Officiellement et officieusement, qui les a inventés? Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab. On va dire quoi? On va dire que tous les musulmans de l'époque étaient des gratteurs. Tous les musulmans qui ont accédé à cet alloc mensuel étaient des gratteurs. Les sahaba de la première génération. Donc déjà, à la base, les allocs, c'est quelque chose qui est islamique. Ça n'a strictement rien à voir avec le carcan démocratique ou autre. Ça, c'est mélanger les choses. C'est du sophisme, c'est n'importe quoi. Déjà, à la base, c'est Omar ibn al-Khattab qui a instauré les allocations. De un. De deux. Certaines personnes vont dire, oui, mais moi, en étant salarié, je te donne à manger. Genre, le mec il travaille, donc il paye les chômeurs. C'est faux. Ramenez-moi la preuve tout de suite. Ramenez-moi la preuve. Des économistes indépendants, comme Étienne Chouard par exemple, ont prouvé, et comme d'autres, ont prouvé que tout simplement c'était faux. C'est-à-dire la distribution d'argent de salariés à chômeurs est faux. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est redistribué directement par l'État. Pourquoi? Parce qu'à la base, un chômeur, comme le disait Edouard Bernays, un chômeur est plus consommateur que le travailleur en lui-même quand il n'est pas épris par un certain militantisme. Les chômeurs un peu franchouillards, un peu paresseux, tu vois, et mec qui aime bien se procurer le dernier iPhone. Pourquoi? Parce que le salarié gagne de l'argent mais n'a pas le temps de le dépenser, tandis que le chômeur consommateur a une certaine partie, et c'est pas vraiment la moitié du salarié moyen. En général, c'est 200 ou 300 en moins, c'est pas beaucoup. Donc on va dire que le mec il fout rien, mais il a la même somme que le salarié, et il consomme, parce qu'il a le temps de consommer. Donc ça, déjà, c'est faux. Le fait de dire que le salarié finance, c'est un mythe. Un mythe pourquoi? C'est un mythe tout simplement pour diviser et pour que psychologiquement, le salarié se sente supérieur au chômeur. Alors que non, avec un œil lointain, avec beaucoup de recul, avec beaucoup plus d'intelligence, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est le cas, avec beaucoup plus d'intelligence, on perçoit qu'en fait le chômeur, ou bien tout simplement le mec qui ne veut pas rentrer dans le champ de l'employé sous la tutelle capitaliste, est quelqu'un qui s'est déchaîné, il a retiré ses chaînes d'esclave. C'est une sorte de militantisme. Tandis que le salarié, ce n'est rien d'autre qu'un esclave dans le sens général, bien sûr. Je caricature pas, je simplifie pas. T'en as certains qui n'ont pas le choix, voilà, ils se disent, ma femme, ma mère est malade, etc. Je vais taper un an au cul, etc. et ainsi de suite. Pour subvenir à ses besoins. Mais je veux dire, dans le sens général, c'est de l'esclavagisme moderne, point barre. C'est tout. Tout simplement. Et je veux dire, il y a des savants qui ont émis des fatwas dessus, des avis juridiques dessus, des sociologues qui ont émis des choses claires par rapport à ça, des marxistes aussi, parce que les marxistes sont aussi pour l'allocation universelle, qui pourra faire en sorte que l'être humain, on ne lui impose pas un carcan d'esclavage jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'à partir du moment où il rentre dans cette spirale, il est foutu. Non, il travaille quand il veut travailler. Et en même temps, attention, certains vont dire, ouais, mais l'amal... l'action est une adoration, genre le travail. Non. La vraie définition dans l'ihsan al-arab, dans l'explication de ce hadith, dans l'explication de plusieurs mufassirin, c'est le fait de s'activer pour amener le pain. Mais est-ce que automatiquement s'activer pour amener le pain, c'est travailler, déclarer employé sous la tutelle capitaliste? C'est faux. Le musulman qui se réveille pas tôt le matin pour prier Fajr et pour amener du pain, c'est clair qu'il y a un problème. C'est clair qu'il y a quelque chose d'illicite là-dedans. Le musulman ne peut pas être paresseux. Mais est-ce que être actif, c'est automatiquement être l'esclave sous le système capitaliste et payer des impôts? Et ça, par contre, ça s'est prouvé, ça, par contre. Payer des impôts, et ces mêmes impôts financent les militaires qui vont aller tuer tes soi-disant frères en Afghanistan. Réveillez-vous! Ça n'a strictement rien à voir des fois avec la religion. Tu as des non-musulmans qui s'auto-refusent d'aider un système dont ils ne suivent pas la ligne idéologique et politique. David Henri Toro, je pense pas que c'était un salafi. Je pense pas que le mec, il était d'une qadari, d'une tariqa soufi. David Henri Toro a choisi ce mode de vie. Il a boycotté le système à sa façon, dans le sens... Parce que le système en lui-même, on peut pas le boycotter à 100%. Quand David Henri Toro s'est retiré dans les bois, il utilisait quand même les dollars. Ce qui fait partie de l'institution monétaire. Mais en même temps, ça, c'est quelque chose qui est dans l'ordre du passif. Contrairement à ce qui est dans l'ordre actif, comme le fait d'aller voter, comme le fait de rentrer dans les partis politiques, dans l'armée, dans la police. Donc David Henri Thoreau n'était pas musulman. Mais si vous voulez, c'est son bon sens. Le fait qu'il ne voulait plus participer à un système qui, tout simplement, activait la traite négrière. Il ne voulait plus. Pourtant, le mec, il avait quelque chose, hein. Je veux dire, il n'était pas con, David Henri Thoreau. Quand on lit Désobéissance civile, on voit que c'est du niveau par rapport à tout, excusez-moi du terme, tous ces idiots contemporains, la plupart. Donc, déjà, ça m'a pas étonné, je vous dis clairement. L'avalanche, ça m'a pas étonné. Voilà, la plupart sont incultes. Ils n'ont pas le temps de s'ouvrir à l'esprit. Ils n'arrivent pas à dissocier. Oui, certes, le travail dans le sens activé, faire les actions pour amener le pain, est obligatoire en islam. Mais en aucun cas, on parle de l'emploi sous la tutelle capitaliste dont tes impôts sont pris pour aller tuer tes frères indirectement. Ça n'a rien à voir avec l'islam. T'as des anarchistes, des gens d'extrême gauche, mais la vraie extrême gauche, pas celle qui a été récupérée, qui sont de cet avis-là, qui ne veulent pas aider le système, il a bien le droit. Il a bien le droit. Donc ça, c'est une fausse analogie. À se dire, je travaille, toi tu fous rien, alors pourquoi t'es contre la démocratie? Mais c'est n'importe quoi. Tu peux être contre un carcan idéologique, mais en même temps, t'as ta vie sociale. On va pas t'imposer à aimer la démocratie. Si le mec, le frère qu'on soi-disant qualifie de radical est théocrate et n'est pas démocrate, il a le droit, comme la plupart de grands savants le disent, comme la plupart de grands auteurs le disent. Excuse-moi, mais la personne dans la vidéo là, le soi-disant bon musulman, mets-le devant René Guénon, je pense pas qu'il va tenir 3 secondes. Donc René Guénon était de cet avis par rapport à la démocratie, d'un point de vue islamique et d'un point de vue historico-politique. Celui qu'on qualifie un peu comme le père, un des pères de la démocratie, Bismillah, Platon. Qu'est-ce qu'il dit Platon dans Démocratique et Politique? Qu'est-ce qu'il dit? En s'inspirant de Socrate aussi. Il nous dit clairement que la démocratie est une utopie. Le Sénat, etc., c'est juste de l'illusion. On fait en sorte que le peuple travaille plus, laboure plus, on leur donne des philosophes pour penser à leur place. Non, il était favorable, tout comme Socrate, à une sorte, si vous voulez, de monarchie polythéistes, parce que c'était le polythéisme à ce moment-là. Mais ils étaient convaincus qu'il fallait une savancratie. Donc, le fait de... Et ça, c'est typique, excusez-moi, c'est typique des ignorants, je vous le dis clairement. Et là, à la base, je parle à la va-vite. Voilà, je parle à la va-vite. Pourquoi? Parce que j'aime bien donner les outils, comme ça, les gens ils vont faire leurs recherches. J'ai pas envie d'aller dans ma bibliothèque, prendre les livres et commencer à lire tous les paragraphes, etc. Je suis pas là pour ça, je suis pas là pour le show. Et de toute façon, je suis même pas payé. Hein. Donc voilà, non, je donne des outils. Les gens, ils ont qu'à faire leurs recherches. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Le mec, il arrive pas à contrer... la lignée idéologique, donc l'argumentaire, le socle argumentatif, et il va à côté. Tu es fier de travailler pour l'État, tu es fier d'être un esclave, tu es fier de payer des impôts qui vont tuer tes frères en Afghanistan, mais c'est bien pour toi, mais alors laisse les autres, laisse-les, c'est tout. T'as ta religion, il a la sienne, même si tu te dis musulman, ça se trouve, tu rentres dans des nawaqid al-islam, tu rentres dans des annulatifs, hein. Je veux dire. Être musulman, c'est pas se dire la bouche, hein. Tu vois? Je sais pas, moi, quelque part, faut activer son cerveau, faut comprendre que Allah, il a envoyé tous les prophètes pour dire, tous les messagers, pour leur dire, adorez Allah, écartez-vous du ta'out. Fait partie du ta'out, le fait d'associer Allah dans l'ordre du jugement. Je veux dire, voilà. Ah, mais qu'est-ce que tu fous ici? Mais le mec, il est belge! Qu'est-ce que tu fous ici? Mais s'il a envie de rester, il reste! S'il est d'avis qu'il est contre ce système-là, il veut pas contribuer, il est de cet avis-là, il est où le problème? Il te parle d'un fait clair, toi tu vas à côté. Qui fais-je? Je te parle d'avion, tu vas me parler de slip. Je te parle de, je sais pas moi, je te parle de pseudo-compatibilité entre le marxisme pur et véritable et l'idéologie islamique dans le plan économique, tu vas me parler de Vanessa Paradis et ses dents écartées, c'est ça? Subhanallah, ça m'a pas étonné. Wallah, quand j'ai vu la réaction des commentaires et des gens en train de dire « il a cassé ». Mais il a cassé dans quoi? Un musulman contre un radical. Mashallah. Et vous voulez sauver la Palestine, vous? Wallah, je vous parle sérieusement. Vous voulez sauver la Palestine? Mais s'il vous plaît, les Palestiniens n'ont pas besoin de vous. Laissez-les tranquilles. Mon maître, je travaille pour toi. Je donne mon âme, ma vie, mon corps 10 heures par jour. Je paye des impôts. Je vote pour toi. Je suis un bon musulman. Wallah, faut activer son cerveau. Wallah, d'habitude, je prends pas un air aussi prétentieux, agaçant, mais c'est la loi du talion. J'ai vu une avalanche de critiques contre ce frère, alors qu'il rapporte tout simplement des dires de savants. Qui vous êtes-vous? Qui vous êtes par rapport à ces savants-là? Vous avez étudié 20 ans, 30 ans, 40 ans? Le tahkim, le sujet du tahkim. Dans tous ces angles. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Même si certains ont un certain cerveau et savent que la démocratie en elle-même, avec son mécanisme, hein, loin de l'idéologie et l'idéalisation de Jean-Jacques Rousseau, hein, la démocratie, tout son mécanisme n'est qu'illusion, c'est aussi une question de véracité. L'itiqad, de véracité, le fait de se dire que c'est une illusion ou pas, qu'elle est fonctionnelle ou pas, qu'elle est dans la réalité ou non, sans désavouer. Tout simplement. Et en plus, t'as des frères qui sont hommes d'affaires, bismillah. T'as des frères qui ont du port à gogo, que ce soit à Londres, que ce soit en Arabie, que ce soit partout. T'as des frères qui sont blindés, qui ont cette idéologie. Qu'est-ce que tu vas leur dire? T'as même des frères ici, en Belgique, en France, qui ont de l'argent. Alhamdoulilah, qu'ils ont des entreprises parce qu'ils sont pas de cet avis-là, savoir, oui, on se désavoue du tarot, mais en même temps, il y a certaines obligations dans l'ordre du passif parce qu'ils, si vous voulez, ils catégorisent et ils codifient le fait de travailler comme étant quelque chose de passif, comme la carte d'identité, comme les TVA, comme t'achètes ton lait, comme le fait de distribuer l'argent entre nous, les euros, alors que ça fait partie de l'institution monétaire, qui est quelque part fait partie un peu de l'oligarchie, et ils voient comme les choses actives dont il a le pouvoir de refuser ou non, le fait d'aller voter, etc. C'est leur avis, hein, on peut pas leur cracher dessus. Eh ben, t'as certains frères qui sont chefs d'entreprise, qui sont blindés aux as, voire qui a peut-être 10 fois plus, et qui fait travailler 10 fois plus que la personne qui critique le frère dans la vidéo, pourtant il est de cet avis-là, il est contre la démocratie, il est contre le vote. Qu'est-ce que tu vas trouver à ce moment-là? Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui parler de quoi? J'aime pas tes goûts musicaux. Je préfère Kubat. J'aime pas Otis Redding. C'est ça. Fais un peu de sérieux. Wallah. À la limite, la personne qui est pas dans la vidéo, je n'en veux pas. Je n'en veux pas vraiment parce que je vois à peu près le profil typique. Voilà, le Turc à qui on a enseigné de travailler, que la vie c'était le travail, tout simplement, mais le faux travail. Donc le travail pour le système, pour la tutelle capitaliste. Je pense qu'il n'a pas trop le temps d'étudier. Je pense pas que ce soit le mec qui doit lire au moins un bouquin, au moins je veux dire un chapitre de bouquin par jour. Je sais pas, mais je pense que c'est à peu près le même délire. Si vous voulez, c'est une hypothèse générale, mais qui a été engendrée, qui se fait par un vécu, quoi. Parce que je vois autour de moi, par les discussions que j'ai eues, par les débats, par les échanges d'idées. Et donc, je n'en veux pas vraiment. Mais moi, c'est plus les gens qui ont partagé la vidéo, qui l'ont commenté en critiquant le frère. Mais à ce moment-là, soyez juste et allez critiquer tous les savants qui sont contre la démocratie. Parce que c'est du sophisme. Et c'est typiquement, ça m'a fait penser à la vidéo Zemmour, alors que Zemmour, je le hais pour Allah, ça c'est clair. Et pour moi, Zemmour est vraiment quelqu'un d'inculte, je le dis clairement. On va dire, non, il a une certaine irréduction à titre quantitatif, mais dans une fausse culture. C'est quelqu'un de très antinomique, quelqu'un de facilement démontable, il n'y a aucun problème sur ça. Mais j'essaie d'être juste. Quand j'ai vu la vidéo Zemmour et l'autre mec, là, le réalisateur, il n'a pas cassé. C'est des trucs de gamins, d'enfants. Un conte. Voilà. Donc, là, d'un côté, vous me réconfortez dans ma misanthropie. Je n'arrive plus à supporter l'être humain en général. Alhamdoulilah qu'il y a des exceptions, mais ils sont très minoritaires. Les gens sont fiers d'être remplis de boue. Donc, à côté, tu as les pseudo-salafis avec leur avis complètement déformé et qui sort du cadre de la contextualisation. Tu as les musulmans laxistes, laïcars, modérés. Alors que le mec, tu vas lui poser des simples questions, je sais pas moi, un truc qui rentre un peu dans l'ordre de, je sais pas, Al-Mu'attal, l'imam Malik, des questions basiques sur le fiqh, même pas sur la croyance en elle-même. Voilà, je veux dire, voilà, les frères, alhamdoulilah, certains, et des sœurs qui ont une certaine capacité intellectuelle, hein, aussi bien dans la culture, dans à titre quantitatif, et dans l'éducation à titre quantitatif, et dans le bon sens, de l'intelligence, alhamdoulilah, il y en a. Mais la plupart, c'est des bras cassés, quoi, je veux dire. Donc, à vous votre religion, ou à vous votre façon de faire. C'est tout. Argumentez avec lui. La prochaine personne qui viendrait vous dire, je suis contre la démocratie, ramène-moi les preuves, on s'en fiche de ta personne. Ramène-moi les preuves. C'est quoi la démocratie? Oui, mais en même temps, la démocratie, attends, Ashura en islam, c'est proche de la démocratie. Et puis à ce moment-là, tu l'aurais mis en place en lui faisant comprendre qu'Ashura n'a strictement rien à voir avec la démocratie, puisque Ashura fait part d'abord d'une savancratie, donc des spécialistes, aussi bien, donc d'un côté, des spécialistes dans l'ordre théologique pour approuver, si vous voulez, pour donner l'étiquette islamique, pour contrer l'illicite de la vie qui va être engendrée dans cette consultation, et les spécialistes du sujet en question. Par exemple, si c'est quelque chose qui touche l'économie, des économistes. Si ça touche la médecine, des médecins, et ainsi de suite. Ashura, c'est ça. Hein. C'est pas légiférer sur des lois dont Allah a déjà parlé. Donc tu as le droit, en tant que Belge, en tant que Mormon, en tant que musulman, en tant que chiite, en tant que femme de Francis Lalanne, tu as le droit de pas adhérer au système démocratique. Tu as des monarchistes, tu as des théocrates. Tu n'as pas le droit d'être démocrate. Tu as le droit de ne pas être démocrate. C'est tout. Donc c'est de mauvaise foi. Et ça m'étonne pas, tout simplement. La réaction de la plupart des gens ne m'ont pas étonné. Donc les gens qui veulent faire leur recherche, c'est clair, c'est tout. C'est clair. Le Coran, tafsir, sira, l'explication de ces ahadith, l'explication des savants, les ouvrages des shuyukh par rapport à ça, par rapport au sujet du tahkim, par rapport au sujet de la législation. Tout simplement. Voilà. Ou bien les auteurs occidentaux qui l'ont critiqué. Howard Zinn, par exemple. Hein, qui a fait un clin d'œil à David-Henri Thoreau, désobéissance civile et démocratie, même si dans le dernier chapitre, c'est une utopie ce qu'il fait, parce qu'il essaie de donner un semblant d'alternative démocratique, mais c'est une bonne critique. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est au début de ce livre-là, par exemple, d'ailleurs j'avais oublié, mais c'est bien que je m'en rappelle, ce livre-là de Howard Zinn, anarchiste américain, premier chapitre, qu'est-ce qu'il dit ? Désobéissance civile et démocratie pour ceux qui veulent se le procurer. Il prend toutes les idées reçues et il les retourne un peu à la méthode Shawkani, pour ceux qui sont adeptes des références orthodoxes en islam. C'est-à-dire prendre une idée reçue et la retourner. Et parmi les idées reçues, le fait que les riches le sont parce qu'ils l'ont mérité et les pauvres sont... C'est parce qu'ils sont fainéants. Et lui, d'un point de vue historique, il arrive à prouver qu'en fait, les plus grandes familles américaines sont devenues riches parce que, justement, elles ont gratté l'État. Elles l'ont gratté. Alors que le pauvre, au contraire, est un travailleur, miskin, malgré lui, soumis, et jamais arrivera à la somme de cette grande famille-là. Parce qu'on a toujours tendance à dire le pauvre est un gratteur. C'est faux. Donc, Howard Zinn, excuse-moi, Howard Zinn, tu l'amènes au quartier. Par exemple, cette scène, elle s'est déroulée à rue de Brabant. Tu l'amènes à rue de Brabant, je pense pas qu'il y a... je pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut rivaliser avec sa culture. Voilà. Allez. Donc voilà, ou bien il prend un peu l'exemple de l'école. On fait croire que l'école est l'éducation. Et il parle que non, c'est estropié, c'est filtré. Voyez ? On va plus parler de, je sais pas moi, de Freud plutôt que de Carl Gustav Jung. On va plus parler de Rousseau plutôt que Guénon ou Gaudi ou d'autres. Je veux dire, voilà, ou Julie Savoie, et ainsi de suite. Je veux dire, faut faire preuve de bon sens. Wallah, c'est aussi simple que ça. Islamiquement, il y a des preuves concernant le fait de ne pas reconnaître la structure étatique démocratique. Et il a le droit. Historiquement et politiquement parlant, il y a aussi des preuves que tout ça, c'est de l'illusion. Et que la savancratie est plus proche d'une bonne structure pour faire face aux enjeux que donner le vote et le droit de parole, dans le sens de un droit de parole qui va engendrer une gestion des affaires à n'importe qui, parce que le peuple est entouré d'ivrognes, d'incultes, de passionnés, d'émotionnels, d'hystériques, oui, hystériques dans tout le temps, hein. Parce que les mecs en général qui disent radical à tout va, c'est des hystériques, hein. Le chômage, tu craques le chômage. Non, calme-toi. Le frère, il te ramène des arguments. Tu discutes avec lui. On s'en fiche de sa personne. Il va crever, ça se trouve dans 2 heures, demain, après-demain, dans 2 jours, dans 2 ans. Il va mourir. On s'en fiche de ce qu'il est. Enfin, soit. Salam alaikum à ceux qui ont un cerveau, tout simplement. Oh là, je sais, ça paraît prétentieux. On va dire que c'est un audio qui a été fait un peu sur le coup de l'émotivité, et il va rester un peu de façon temporelle parce que c'est un audio, je sais pas moi, c'est ce qui va advenir de cet audio. Il va peut-être être supprimé, mon compte va être supprimé comme d'habitude, j'en sais rien. Mais même si c'est sur le coup de l'émotivité, c'est une action-réaction. L'action a été tellement forte, a tellement été basse, hein, en dessous de ceinture, le frère qu'on qualifie de radical a tellement été attaqué que voilà, la réponse doit être du même ordre. La loi du talion, l'izza, il faut avoir une certaine fierté. Le prophète, il a dit que la hikma, la sagesse, c'est être dur quand il le faut et comment il le faut, et être doux quand il le faut, avec qui il le faut et comment il le faut. C'est ça, la sagesse. C'est pas tout le temps avoir le dos courbé, quoi. Voilà, on attaque un frère parce que soi-disant il crée le chômage. Mais toi, regarde-toi, toi qui finances l'aile militaire qui va tuer tes frères, toi qui es soumis et qui aide un État. Je veux dire, un État quand même qui fait partie quand même de l'oligarchie. Je veux dire, mais c'est pas question de Belgique, c'est aussi d'autres pays africains aussi. Ça n'a rien à voir. Le peuple est à part. Bon, même si je m'emporte un peu en critiquant, le peuple, on est avec le peuple dans le sens où le peuple est à part, mais l'État, t'as le droit de critiquer et t'as le droit de ne pas vouloir l'aider. Et si tu grattes, si tu dis que l'autre il gratte le chômage, déjà l'allocation, après on peut lui donner tous les noms qu'on veut, on peut bricoler pour essayer d'avoir tous les avantages qu'on veut, mais l'allocation est quelque chose d'islamique. Les marxistes aussi sont pour cette allocation universelle. Entre autres, Ariès. Vous voyez ? C'est comme si par exemple, je sais pas, tu es musulman, tu es convaincu, voilà, t'es musulman orthodoxe, tu as comme socle, comme référentiel le Coran et la Sunna. Et un non-musulman t'offre un verre de vin et un verre d'eau. On va dire que le verre de vin symbolise un peu la démocratie, parce que tu es convaincu que la démocratie est du coffre, selon ton référentiel, selon ton cheminement, selon ton optique. D'accord. Et le verre de veau symbolise un peu les allocations, qui peuvent être appelées chômage, ce que vous voulez, mais qui à la base est une invention islamique, et dont chaque musulman et chaque être humain sur terre a le droit, parce que c'est pas typique aux musulmans. Pendant le califat d'Omar ibn Khattab, les juifs le recevaient, hein, les chrétiens le recevaient. Donc, à ce moment-là, tu as deux verres. Lequel tu choisis ? Sous prétexte qu'il faut tout prendre, tu vas prendre le verre de vin. Tu prends le verre d'eau. Du moment que ce n'est pas illicite. Dans le sens où tu fais le travail qui est demandé par Allah, c'est-à-dire bouger pour amener le pain. Est-ce que le prophète sallam a parlé du fait d'être sous la tutelle capitaliste ? Être employé obligatoirement ? Ouais, mais tu dois respecter les lois du pays. Respecter les lois du pays, certes, tant qu'elles ne vont pas en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et là, maintenant, si tu es dans cette optique, à savoir, je ne veux pas aider cet État, je ne veux pas travailler pour lui, parce que, via mes impôts, il envoie des militaires tuer mes frères, ou bien il applique une loi autre que cette Allah, ou bien il fait partie d'une structure oligarque qui est la plus grande mafia, et leurs élections sont capées, instrumentalisées, illusoires. Tu as le droit d'avoir cet avis-là. Et ce n'est même pas question de musulmans. Pour une bonne fois pour toutes, ce n'est même pas question de musulmans. Il y a beaucoup d'anarchistes non musulmans qui ne veulent pas aider cet État-là et qui servent. Ils se servent, oui. Donnez-moi les allocs, je me sers de vous, mais je ne veux pas vous aider. Je m'en fous. Je ne veux pas aider cet État. Pourquoi ? Parce que, justement, on va dire que le non-musulman belge, il fait ça par amour. Parce que dans chaque amour, il y a critique. Parce qu'il critique le fait que cet État fait partie de l'oligarchie. Cet État envoie des soldats tuer des innocents, et donc, par critique de ce même amour, ben sa critique est actionnée par le fait qu'il boycotte le travail. Tout simplement. Voilà. Je veux dire, il y a des choses qui sont logiques. Il suffit d'activer son cerveau. Assoit. Salam.